Vous vous rappelez le premier jour où vous êtes arrivé à l'usine? Ah, mais je me rappelle, c'était aujourd'hui. C'était comment? Est-ce que vous vous rappelez de ce jour-là? Quand on sortait, on n'entendait rien. On n'entendait rien. Il y avait un bruit là-bas. Et quand on était resté 8 heures, là, le premier jour, quand on sortait, on était comme Marcel. Oui, on avait les oreilles bouchées. Mais c'était un bruit régulier quand même. Ça sifflait, ouais, quand même. Ouais. Oui. T'entendais c'est juste. C'est un bruit aigu, ça sifflait. Ça sifflait, ouais, c'était un sifflement. Ouais. Vous l'avez jamais entendu? Pas bien. Si, ça faisait un bruit sourd, un permanent, là. Plutôt grave ou plutôt aigu? Un mélange? Un sifflement, moi, je me rappelle. On ne peut pas bien différencier, parce qu'après... C'était la clim et les moulins, quand même. Ouais, le tout, parce que tout faisait du bruit. Ça faisait quoi comme bruit? Et ça faisait un bruit là. Un bruit sourd. Un bruit sourd. On arrivait à ce pied, après on parlait fort, puis après à la fin on s'habituait quoi. On se comprenait mieux. Ah, mais c'est le premier jour là, quand j'ai fini à 5h du soir, il y avait l'entreprise, c'était fort, ils faisaient le bâtiment en face là où je travaillais. Ils m'ont parlé, mais j'ai passé comme on dit. C'est vrai, c'était assez pénible au début, le bruit surtout. Et la chaleur l'été. La chaleur. La chaleur humide. La chaleur aussi. Parce qu'il fallait qu'il fasse un certain degré de chaleur. Et d'humidité. Et en hiver, c'était comment? Ah, mais c'était bien l'hiver, on avait chaud, on était bien. Ouais. Non, mais c'était quand même beaucoup mieux que chez les maçons. Hein. Oui. Parce que là, c'était quand même, on était dedans quand même. Oui, à l'abri. On pouvait boire, on pouvait. C'était pas comme les maçons qui sont au soleil ou au gel. Mais on travaillait l'hiver en chemise comme ça. Non, on était bien l'hiver, on était bien. On travaillait en chemise comme ça. Il y a juste que vous ne pouviez pas discuter parce qu'il y avait trop de bruit. Oh non, on se débrouillait pour discuter. Si, on le comprenait. Quand il y a un garçon qu'on le voyait, on le comprenait. Il n'y avait pas de problème. Vous aviez droit à une pause ou vous restiez à l'usine quand vous alliez travailler? On avait un quart d'heure. Un quart d'heure, ouais. Un quart d'heure ou demi-heure? Oui, on n'avait pas demi-heure. Non, pas demi-heure. Je ne sais même pas si c'était pas 10 minutes. Oh. La journée, on avait un quart d'heure à la journée, quand je travaillais la journée, et quand j'étais à l'équipe, on avait droit à demi-heure. Ah, voilà. Quand on était à l'équipe, on avait droit à demi-heure. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'était des journées de combien d'heures? 8 heures. 8 heures, et sur la 8 heures, vous aviez un quart d'heure de pause. Et le reste du temps, on continue. Je crois que c'était que 10 minutes. Même. Et pour manger? Oui, ben on mangeait à ce moment-là. On mangeait du pain, du fromage. On mangeait parce qu'on commençait à 4h au midi. Alors on mangeait à 9h. Oui. 9h, on mangeait, puis à midi, on allait manger chez nous. D'accord. Pas plus d'un quart d'heure. Je ne sais pas, c'était pas moins de 10. 9h moins 10, 9h. C'est quand on l'a dit à Charret, là, au contre-maître, là. On lui a dit quand même que c'était un peu court. Au moment, on ne mangeait pas une cuisse d'agneau pour des choses. On ne porte pas une cuisse d'agneau. Hein. Mais pour manger un peu du pain et du fromage, c'était pas... Et lui, il avait plus, le contre-maître. Ah ben lui, il devait se prendre une heure, oui. Ouais. Mais il était quand même s'étonné. Il s'étonnait quand même. Oui. Vous preniez un petit déjeuner le matin avant de venir à Ah ben, en décembre, à la maison, on buvait le café au lait, oui. Oui. Le café au lait, on faisait un bout de pain dedans, puis vers les 8 heures, on déjeunait. C'était 9h, il me semble. Et c'était quoi le reste de la journée après? Ah ben après, on était à la campagne, on allait garder les moutons, on allait... ramasser les fruits, on allait rateler quand il fallait rentrer le fouet, c'était la campagne. Donc la journée de travail n'était pas terminée en rentrant de l'usine. C'était quand même plus cool après. Tout à l'heure, il vous a dit qu'il avait 3 semaines de congé. Mais il ne vous a pas dit que pendant ces congés, il coupait le fouet chez ses parents là-haut. Bon. Vous voyez, il fallait travailler, hein. Oui, oui. Il fallait faire ça.